Troisième temps de notre série consacrée dans la Fabrique de l'Histoire à l'histoire de la faim, des famines et des disettes. Aujourd'hui, dans notre émission d'archives du mercredi, une histoire de l'aide alimentaire au XXe siècle. Après avoir approché hier dans le documentaire que vous pouvez réécouter sur le site de France Culture, la famine au Biafra à la fin des années 1960, et avant demain de nous intéresser à la grande famine irlandaise du milieu du 19e siècle, nous allons ce matin traiter de l'aide alimentaire et des acteurs qui la distribuent ou bien qui la reçoivent. Avec Séverine Yattard qui co-animera cette émission avec nous, et grâce aux archives qu'elle a choisies dans le fond de l'Institut National de l'Audiovisuel, nous allons cheminer des années 1920 à aujourd'hui, et pour ce faire, nous aurons le plaisir d'accueillir Nicolas Duvoux. Il est professeur de sociologie à Paris 8. Il vient de diriger un numéro de la revue Jeunesse qui est titré Philanthropie et prestige d'État en France entre le 19e et le 20e siècle. Et nous aurons en duplex depuis les studios de Radio France à Nantes qui l'accueille, et nous les remercions pour cela, Jean-Noël Rottière. Il est professeur émérite de sociologie à l'Université de Nantes. Il est co-auteur avec Jean-Pierre Lecrom de Une solidarité en miettes, socio-histoire de l'aide alimentaire des années 30 à nos jours. C'est aux presses universitaires de Rennes. Paris. Les ateliers du Secours National ont mis en chantier des fourneaux d'une capacité exceptionnelle, susceptible de préparer un millier de rations. En plus des 400 cantines scolaires, 350 de ces cuisines d'entraide fonctionnent déjà dans la région parisienne. Ainsi, le Secours National poursuit inlassablement son grand effort. Parallèlement, la boisson chaude vient d'ouvrir à la gare de Lyon son deuxième comptoir, que visite aujourd'hui M. Charles Magny, l'actif préfet de la Seine. Voilà une archive du 8 mars 1941. Bonjour à vous, Séverine Yattard. Bonjour. Bonjour à vous, Nicolas Duvoux. Bonjour. Et bonjour à vous, Jean-Noël Rottière. Vous êtes en duplex avec nous depuis Nantes. Et cette archive nous parle d'une institution qui s'appelle le Secours National, que nous ne connaissons plus aujourd'hui, puisqu'elle a disparu à la fin de la Seconde Guerre mondiale, un peu après la Seconde Guerre mondiale, mais qui disait quelque chose à tous ceux qui avaient vécu soit la Première, soit la Seconde Guerre mondiale. Qu'était ce Secours National qui venait en aide justement à ceux qui ne pouvaient pas manger à leur faim? Alors, le Secours National avait été créé pendant le premier conflit mondial, hein, en 1915, pour assister les victimes civiles de la guerre. Mmh. Il sera reconstitué en 1939 par Daladier, qui va lui assigner les mêmes objectifs. Et puis, quelques mois plus tard, une loi du 4 octobre 1940 en fera le fer de lance de la politique sociale de Vichy. Mmh. Hein, et avec obligation, donc, avec capacité à rassembler l'ensemble des acteurs qui, justement, sont chargés de l'aide alimentaire et de l'aide vestimentaire pour les plus pauvres, c'est cela. Voilà, en fait, il va chapeauter l'ensemble de l'offre existante à l'époque. Il aura le monopole du recueil des budgets, des financements, des appels à la générosité. Les œuvres seront privées de leurs principales ressources. Elles seront, elles, condamnées donc à adhérer au Secours National pour pouvoir bénéficier de ces subsides. L'essentiel des subsides proviendra de fonds publics, hein, des subventions d'État, des produits des tranches de la loterie nationale, des produits de la vente des biens des Français déchus, des Juifs. Oui, déchus de leur nationalité, en fait, hein, c'est quand même, ça devient vraiment l'instrument de propagande et de collaboration évidente, quoi. Ah bah ce sera l'outil de propagande par excellence du gouvernement, hein, de Vichy, et qui va être le rouage essentiel finalement de la politique sociale de Vichy, puisque il y aura des repas, des colonies de vacances, il y a des goûters aussi qui sont organisés pour les jeux de mer, il y a les paysans qui on voit ça dans les films de propagande, là j'ai choisi juste ce petit extrait, mais on voit les paysans amener dans leur camion des choux, des potis sortiront des légumes pour voilà, pour les gens de la ville, pour ce secours national. Et d'ailleurs, à la fin de la guerre, Jean-Noël Rothière, le secours national va être tout bonnement interdit et reconverti en une autre association. Voilà, l'entraide nantaise. Mmh. Qui elle cessera d'ailleurs aussi en 1949. Mais avant cette période de la Seconde Guerre mondiale, il faut bien poser le décor avec vous, Jean-Noël Rothière, dans votre livre que vous avez conçu avec Jean-Pierre Lecrome, Une solidarité en miettes. Vous expliquez effectivement quels sont les multiples acteurs sur un territoire qui est celui qui vous intéresse, c'est-à-dire le territoire de Nantes. Quels sont les multiples acteurs de cette aide alimentaire et vestimentaire? Il y a les œuvres, vous l'avez dit, des œuvres qui sont catholiques ou protestantes. Il y a également des associations qui peuvent être des associations laïques, etc., etc. Et l'État. Alors, protestantes, non, parce que localement, pas à Nantes, effectivement. L'Armée du Salut n'existera pas. Mmh. Avant-guerre à Nantes, on compte trois œuvres importantes. L'œuvre des restaurants à bon marché. Alors là, c'est le modèle des dames patronesses. Ce sont des épouses d'industriels nantais, de conserveurs, d'industriels aussi de la métallurgie. Ce sont des milieux. Ça regroupe des milieux catholiques. Mmh. Et puis le secours immédiat, alors c'est au pôle laïque. Mmh. Le secours immédiat est fondé par des radicaux. Fondé par des radicaux. À Grèce, voilà, des radicaux, des libres penseurs, c'est une bourgeoisie. Également industriel qui est aux commandes de ce secours immédiat. Et Nicolas Duhou, c'est l'envers, si vous voulez, sur le pôle laïque de l'œuvre des restaurants à bon marché. Et la société Saint-Vincent de Paul. Et puis la société Saint-Vincent de Paul, qui elle est une société historique. Elle est née dans les années 1830 à Nantes et elle existe toujours d'ailleurs aujourd'hui. Mmh. À Saint-Vincent-de-Paul, on va y retrouver des fractions bien particulières des élites sociales de l'heure, l'aristocratie, mm-hmm. Qui tirera donc ses revenus de la rente foncière, l'aristocratie, et puis quelques personnalités. Mm-hmm. Du monde de la médecine, et du droit. Mmh. Nicolas Duhou. Alors Nicolas Duhou, pour mettre un cadre aussi peut-être plus national, hein, on est dans ce tournant des années 30. Alors pourquoi les années 30? Bon, à la fois il y a la crise et donc on peut imaginer qu'il y a une hausse des demandeurs, hein, évidemment, d'aide alimentaire. Et puis c'est un tournant au niveau des politiques sociales qui ont commencé un petit peu à la fin du 19e siècle. Peut-être on pourrait revenir un petit peu sur ces lois un petit peu fondamentales qui justement font émerger une participation de l'État, une aide de l'État vis-à-vis des demandeurs, voilà. Tout à fait. La chronologie la plus élémentaire qu'on peut retenir, c'est que la Troisième République, entre les années 1890 et la première décennie du XXe siècle, s'appuie sur un certain nombre de lois sociales. De lois sociales qui créent des prestations d'assistance, de secours aux indigents, aux personnes vulnérables, en même temps qu'on a une intervention dans le domaine de la famille. Donc la République, la Troisième République, elle a tout un ensemble de fondements qu'on connaît, la séparation de l'Église et l'État, et parmi ces fondements, un certain nombre de lois d'assistance. Le contexte particulier des années 30, c'est celui d'une société dans laquelle l'industrialisation a progressé, avec un ensemble de caractéristiques qui sont la vulnérabilité économique assez structurelle des populations, de plus frappées par la crise. Et on est en train, il y a eu deux grandes lois, enfin plus de trois grandes lois importantes en 1910, 1928 sur les assurances ouvrières et paysannes. Mais l'importance de l'aide alimentaire dans le contexte, les contextes locaux qui caractérisent la France, eh bien, elle est liée au fait que contrairement à l'Allemagne qui, dès la période de Bismarck, a vraiment cherché à généraliser ses assurances, on est encore dans un paysage d'intervention de l'État embryonnaire. Et donc, des fondements sont posés, des ambitions sont élaborées, sont affirmées, mais on n'a pas une protection sociale qui est encore généralisée et qui est en capacité de toucher les populations sur les territoires. Ça veut donc dire, Nicolas Duvoux, et c'est ce que vous expliquez dans ce numéro de Genèse que vous avez coordonné donc autour des philanthropies et le prestige de l'État, c'est en France en particulier, au 19e et 20e siècle, que l'État a des intentions, mais qu'il se repose, cet État, sur des... et c'est ce que nous disait à l'instant Jean-Noël Rottière, sur des associations, sur des œuvres qui agissent à sa place d'une certaine façon. Absolument. L'État français, alors il a été très longtemps pourvu, où on lui a prêté une autorité et une omnipotence de par peut-être l'affirmation jacobine, mais dans la réalité des pratiques, et notamment des pratiques de l'aide sociale, de l'assistance sociale, on constate la présence des acteurs des œuvres, Saint-Vincent de Paul, vous l'avez souligné, qui sont en lien avec l'État et qui sont reconnus par l'État par tout un ensemble de manifestations. Alors, on a les reconnaissances d'utilité publique par le Conseil d'État, on a des médailles qui sont accordées aux personnes qui portent les œuvres, et on leur délègue, avec évidemment un contrôle sous-jacent, on leur délègue une partie de la gestion, et qui, dans le 19e siècle, et tout au début du 20e, est encore, Jean-Noël Rettière l'a évoqué, un contrôle de type notabilière. Il y a pas, même au moment de 36, sous le Front populaire, est-ce qu'il y a un petit basculement? Il y a des basculements parce que l'entrée de la question ouvrière, de la question sociale, va porter de nouveaux modes de représentation, justement, du social, de la protection, de la construction de la société. Ça sera affirmé très fortement, évidemment, à la Libération. Mais, fondamentalement, dans le tissu social, dans le maillage local, on voit une très, très grande présence de ces acteurs des œuvres. Et Jean-Noël Rottière le souligne. On a oublié leur présence, y compris pendant les Trente Glorieuses, alors que ces acteurs, qui sont à la fois municipaux, associatifs, charitables, eh bien, restent très très présents. Alors, puisque vous évoquez la Seconde Guerre mondiale et la Libération, nous allons écouter tout de suite une deuxième archive, celle du 8 décembre 1957, et cela évoque une institution qui est développée justement à partir de la Seconde Guerre mondiale, l'institution des petits frères des pauvres. Les petits frères des pauvres s'occupent plus particulièrement d'apporter une aide à domicile aux vieillards pauvres des grandes villes dont la dernière richesse est leur chez-eux. Voulez-vous nous dire dans quel sens portera votre effort en ce jour prochain de Noël ? Pour Noël, nous donnons chaque année de plus en plus de colis de Noël. Cette année, nous espérons en donner 12 000. Nous invitons aussi un grand nombre de vieillards pauvres de Paris à des réveillons de Noël, et nous pensons avoir dans Paris et dans sa banlieue plus de 12 000 vieillards venant à ces réveillons. Dans de nouvelles villes, Marseille, Nantes, Rouen, nous aurons aussi des réveillons pour les vieillards pauvres. Ces réveillons sont une grande chaleur et une grande joie pour tous ceux qui viennent, car l'atmosphère y est merveilleuse, un grand sapin tout blanc, des étoiles de diamants sur les tables, des bougies rouges, pas d'électricité nulle part, et des fleurs, les fleurs les plus belles du monde, et qui réchauffe le cœur de tous ceux qui viennent. Comment espérez-vous réaliser ce programme ? Grâce à l'aide de tous. Cette aide vient de toutes parts. Beaucoup de gens envoient des dons en nature. Des automobilistes renoncent à passer Noël en famille pour venir mettre leur auto à la disposition des pauvres. Et surtout, car c'est là la base de tous les colis et tous les réveillons de Noël, des dons viennent de toute la France. Peut-être vous-même qui nous écoutez aujourd'hui, nous aiderez-vous et nous permettrez-vous d'atteindre notre programme de 12 000 colis et de 12 000 réveillons en nous adressant vos dons aux petits frères des pauvres, 9 rue Léchevin, Paris 11e, soit par chèque bancaire, soit à notre CCP, Paris 2463-98. Je répète, petits frères des pauvres, 9 rue Léchevin, Paris 11e, compte chèque postal 24-63-98. Voilà donc pour une archive du 8 décembre 1957. Jean-Noël Retière, ce qui est très intéressant, c'est que là, dans votre façon de en partant de l'exemple de Nantes, de classer chronologiquement avec Jean-Pierre Lecrome cette aide alimentaire, cette socio-histoire de l'aide alimentaire, vous marquez effectivement un temps en disant qu'il y a le temps de l'après-Seconde Guerre mondiale qui va courir de façon assez lointaine jusque dans les années 1980 et que ce temps est un peu particulier parce qu'il voit émerger de très nombreux acteurs qui vont être des acteurs essentiels jusqu'à encore à aujourd'hui, le Secours catholique, le Secours populaire et donc ces petits frères des pauvres. C'est un deuxième temps, en quelque sorte, si on considère les profils des engagés dans ces structures. La libération correspond donc à la création, vous l'avez dit, du Secours populaire et du Secours catholique. À Nantes, ce sera plus tardif, hein, l'action de ces deux structures. Faut attendre les années 74 pour que le Secours populaire soit créé à Nantes, une antenne, puisque c'est lié à l'influence très très faible du Parti communiste localement. Et quant au Secours catholique, eh bien, il est surtout important dans les zones rurales en Loire-Atlantique. Je vais dire un mot sur les petits frères des pauvres, parce que l'extrait que vous venez de passer est particulièrement intéressant. Donc les petits frères des pauvres, c'était fondé par Armand Marquiset, c'est lui-même un ancien du Secours national. Mmh. Hein. Même si les petits frères des pauvres restent l'association la plus connue de celle qu'il aura fondée, il est aussi l'initiateur des Amis de la banlieue et de Frères des hommes. On peut dire que c'est un entrepreneur, on appellerait ça aujourd'hui un entrepreneur humanitaire, mais c'est un entrepreneur en aide alimentaire et vestimentaire aux Français les plus pauvres. Voilà. Et il est catholique, il sera membre du premier Secours catholique international, mais on ne le retrouve pas à Saint-Vincent-de-Paul, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que il crée les petits frères des pauvres avec comme précepte des fleurs avant le pain. Il en fera la devise de l'association. Ça veut dire quoi pour lui ? En sa version religieuse, il s'agit d'entourer le secours alimentaire d'un halo d'égards multiformes, suivant le mot de la Bible, hein, les fleurs de farine et l'encens. Il y a là une manière de se différencier de Saint Vincent de Paul, c'est-à-dire que pour Saint Vincent de Paul, certes, il ne s'agit jamais de réduire l'aide à la prestation d'ordre alimentaire, mais pour Saint Vincent de Paul, il s'agit de délivrer la bonne parole, si je puis dire. Bon. Oui, de faire alors une... que. Oui. Voilà, faire du prosélytisme. Nicolas Duvaux, oui. sur cette question des petits frères des pauvres et de ces structures qui se créent à la Libération, qui sont assez variées, dans un contexte dont il faut rappeler que c'est aussi un contexte de nationalisation et de prise en charge par l'État de nombreuses prestations sociales, Nicolas Duvaux. C'est ça, on est dans un contexte, il faut rappeler deux choses hein, essentielles. La première, c'est que le rationnement ne s'arrête pas à la fin de la Seconde Guerre mondiale, que les années de crise, de disette, vont jusqu'en 49. C'est ça, se poursuivent jusqu'en 49, et donc ça c'est très important, c'est-à-dire qu'on a des besoins immédiats, pressants, pour la population et avec un grand élan qui est porté. Il faut rappeler aussi, bon, vos auditeurs le savent, que le Parti communiste est le premier parti de France, le parti des 75 000 fusillés, et que la sécurité sociale en octobre 45 a été fondée sur une ambition de changer la société autour de la généralisation, de l'universalisation d'une protection contre le manque. On est très inspiré par le rapport Beveridge de 42, donc c'est vraiment ça l'optique du Conseil national de la résistance. Et dans ce cadre-là, ce qui est très très intéressant dans ces associations qui se créent et qui continuent à être des acteurs majeurs jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on voit les grandes forces sociales en présence dans la société française. Le Secours populaire, c'est tout à fait évident, l'inspiration communiste, et puis le Secours catholique, qui va être une forme, et c'est là pour répondre à votre question, qui va être une forme de laïcisation de cette spiritualité, de cet engagement, cette charité chrétienne, cet engagement religieux dans la cité. Ce qui est très frappant, c'est que le Secours catholique, ce n'est pas Saint-Vincent de Paul précisément du point de vue de la relation établie avec le pauvre, du point de vue de la relation à la société. On le verra après avec Vatican II et tout un ensemble de réformes qui secourront le catholicisme. Et donc on a bien des mouvements qui vont incarner les grandes forces sociales en présence et qui vont accompagner le mouvement de nationalisation des enjeux sociaux. Et est-ce qu'encore ces mouvements ciblent certaines populations ? Parce que là, on voit bien avec les petits frères des pauvres, ça s'adresse d'abord en priorité aux vieillards, aux personnes démunies. Est-ce que d'autres associations s'adressent plutôt aux familles, aux chômeurs isolés, voilà. Est-ce qu'il y a comme ça un ciblage potentiel des demandeurs et des démunis ? Alors Jean-Noël Rottière. Oui, non. Ce qui domine dans la région nantaise, c'est Saint-Vincent de Paul. Et là, les profils de secourus, eh bien, concernent essentiellement les vieux. Les vieux, les couples âgés, des veuves et accessoirement des familles nombreuses. Quand les secourus sont plus jeunes. Nicolas Dubou. Oui, ça, c'est un point, ce que rappelle Jean-Noël Rottière, c'est un point tout à fait fondamental. C'est que la pauvreté en France et dans l'ensemble des pays développés occidentaux jusque dans les années 70 et 80, c'est essentiellement une pauvreté qui concerne les personnes âgées. Et le grand retournement, le grand basculement qui va s'opérer, j'anticipe un peu, dans les années 70 et 80, c'est que on va avoir non seulement une transformation de la pauvreté, elle va être plus visible et parce qu'elle touche des jeunes. Donc il est tout à fait évident que les cibles de ces actions sont essentiellement les vieillards qui sont dans une indigence, précisément parce que les grands systèmes de retraite ne sont pas encore montés suffisamment en puissance pour les sortir de ces situations de pauvreté. Alors évidemment, il y a une date très importante quand on parle d'aide alimentaire, d'aide aux plus pauvres. C'est la date de 1954 et de l'hiver 1954 et de l'appel de l'abbé Pierre. Alors nous avons une archive qui n'est pas celle de 1954, mais 30 ans plus tard, puisque l'abbé Pierre va relancer en 1984 justement les sous-populaires, disant qu'il y a encore dans la société des années 80 besoin justement de ces sous-populaires, comme il y en avait besoin après la Seconde Guerre mondiale. La pauvreté existe en France, la pauvreté notamment dans les grandes villes, même si on ne la voit pas toujours très bien au milieu de la relative aisance de la plupart des Français. Pour la première fois depuis 1954, les compagnons d'Emmaüs ont organisé cet hiver une opération soupe populaire. Exemple, 12 000 repas distribués à Paris depuis le 9 janvier. On a faim en France aujourd'hui, disent les émules de l'abbé Pierre. Ces soupes populaires attirent du monde. Des clochards, bien sûr, mais le plus souvent, des gens en cravate, des chômeurs, ce qu'on appelle des nouveaux pauvres, victimes de la crise. Avant d'interroger l'abbé Pierre, écoutez ce témoignage recueilli par Bernard Gavigné hier soir lors d'une soupe populaire servie par les compagnons d'Emmaüs à Paris. Il a rencontré un homme de 27 ans, ancien plâtrier au chômage. Je viens parce que j'ai faim. J'ai pas les moyens de me payer un casse-croûte ou un truc comme ça, c'est tout. Je travaille pour la prospection, 8 heures ou 6 heures par jour, ça dépend. On ne nous paye que 18 francs de l'heure. On est obligé de venir à la soupe populaire, hein, obligé. Parce qu'on peut pas vivre, on peut pas se permettre de payer un loyer, de vivre, premièrement. Et puis si on veut s'acheter des affaires, Et le soir, recouchez-vous alors ? Le soir, on couche dehors. On est obligé de coucher dehors parce qu'on n'a pas les moyens de se payer un loyer. Alors, non seulement on travaille, mais on couche dehors. Pour moi, des fois, ça me fait mal au cœur. Et que pensez-vous faire ? Ce que je pense là, c'est la révolte, hein, puis c'est tout. Hein. Alors pourquoi avoir organisé cette opération soupe populaire? Écoutez l'abbé Pierre des Compagnons d'Emmaüs, interrogé par Bernard Gavigné. Nos compagnons rentrant en fin de journée, comme c'était il y a 30 ans, quand ils rentrent avec leur camion chargé de tout le bric-à-brac qu'ils ont récupéré à l'appel des gens qui leur demandent de venir, étaient frappés de voir qu'il y avait des silhouettes de gens qui semblaient véritablement perdus. Et après s'être concertés avec l'armée du salut, avec le Secours catholique, les communautés d'Emmaüs, avec ces deux autres organismes, se sont partagés les points principaux tout autour de Paris et dans le centre, où on savait que l'on avait faim à Paris, qu'il y avait des affamés à Paris. Et ils ont commencé, ils avaient 12 personnes qui venaient demander un bol de soupe et un peu de pain et de fromage. Et avant-hier soir, ils en avaient 600 et quelques à un seul de ces points. Depuis le 9 janvier, le jour où ils ont commencé, cela dépasse 12 000 soupers minimum donnés. France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Et vous écoutez une fabrique de l'histoire consacrée dans notre semaine à la faim, à l'histoire de la faim, l'histoire des famines et l'histoire des disettes. Une émission consacrée ce mercredi aux archives qui nous permettent de réfléchir à l'aide alimentaire telle qu'elle a été mise en place depuis les années 30 jusqu'à nos jours en France, avec Jean-Noël Rottière qui a écrit avec Jean-Pierre Lecrome une solidarité en miettes aux presses universitaires de Rennes, et avec Nicolas Duvoux qui a coordonné un numéro de Genèse sur les philanthropies et le prestige de l'État en France. C'était en décembre dernier. Alors nous sommes avec Séverine Yatar qui coanime cette émission avec moi autour de cette question qu'est-ce qu'on distribue, comment on distribue entre les années 50 et aujourd'hui. Et Jean-Noël Rottière nous disait tout à l'heure qu'il y a une période qui courait depuis l'après-Seconde Guerre mondiale jusqu'à 1985, qui est cette période dans laquelle rentre cette archive de 1984 qu'on vient d'entendre de l'abbé Pierre, et qui est une archive qui nous dit, eh bien, il y a la même situation en 84 qu'en 1954, au moment de l'appel de l'abbé Pierre, Nicolas Duvoux. Alors évidemment, entre-temps, on a cru qu'on allait sortir de cette époque, sortir de cette question, et on y est revenu. Oui, c'est ça. Il y a un grand renversement qui s'opère, qui est celui au tournant de la fin des années 70 et du début des années 80, qui est la prise de conscience subite et très brutale de la société française qu'elle ne parviendrait pas à généraliser, à universaliser une protection sociale. Et on découvre à travers des élans associatifs, à travers aussi le rôle des médias, qui est très important dans la construction du phénomène. Qui a été Radio Luxembourg, c'était l'appel de l'abbé Pierre en 54. Voilà, qui a été souligné dans le terme, dans l'archive, c'est-à-dire les nouveaux pauvres. Et Jean-Noël Rottière nous dit avec un grand profit dans la compréhension historique que ces nouveaux pauvres, on les redécouvre à plusieurs périodes de l'histoire de la société française. Et alors simplement, ce qui s'est passé, c'est que le chômage est vraiment la question du chômage qui va changer la situation au tournant des années 70 et 80. Et le chômage dans une société qui s'est structurée autour, encore une fois, les ordonnances de sécurité sociale disent qu'elles ont vocation à protéger les travailleurs français et leurs familles, c'est le texte. Eh bien, le chômage va faire sortir des cadres de la société tout un ensemble d'individus. Alors, celui qui était interviewé travaillait, mais la configuration dominante, c'est quand même celle de gens qui sont exclus de la protection sociale en même temps que du travail et qui vont fournir les rangs de cette nouvelle pauvreté que la société française va découvrir avec une forme de stupéfaction dans les années 1980. Et est-ce que cette figure du pauvre, alors on l'a compris qu'il change aussi de dénomination, hein, le nouveau pauvre, mais est-ce que ces personnes désormais sont plus visibles aussi dans la société, c'est-à-dire sont moins dans un comportement d'indignité ou dans une attitude honteuse, parce que voilà, il y a aussi cette question-là, c'est-à-dire il faut aller demander. Je crois qu'il y a, oui, tout à fait. Il y a une visibilité nouvelle. Il y a peut-être un rapport aussi, l'affirmation, enfin, du rôle de l'État et de la proclamation de droits, sinon toujours leur effectivité, ont donné une forme de légitimité au secours, ou au fait d'être secouru, d'être aidé. Et en plus, et là l'archive est très, très intéressante parce qu'elle, là elle est représentative, vous avez un rajeunissement de la pauvreté. Jusque dans les années 70, les pauvres ce sont les vieillards. À partir des années 70-80, et ça on ne cesse de le voir, jusqu'à ce que le gouvernement d'aujourd'hui cible l'action contre la pauvreté sur la pauvreté des enfants, on voit un rajeunissement considérable des personnes touchées et qui sont forcément, qui ont un autre rapport à la visibilité parce qu'elles sont en pleine force de l'âge. Jean ne le retient. C'est l'offre aussi de secours qui va donner cette visibilité. C'est-à-dire à la nouvelle pauvreté. Ben la soupe populaire là qui est organisée. Ouais. Par exemple, dans l'espace public. Oui, bien sûr. Ces soupes populaires vont être médiatisées. On va commencer à voir apparaître dans la presse des photographies de ces files de miséreux qui attendent pour un bol de soupe, quoi. Donc ça commencera. L'armée du salut dans la région parisienne, mais donc tout ça va participer de la mise en évidence et de la prise de conscience. Des manques qui sont éprouvés par une population nouvelle. Alors, l'extrait d'entretien là est effectivement intéressant quand ce plâtrier travailleur, pour lui, se pose l'alternative, c'est s'acquitter du loyer ou se nourrir, quoi. Hein. Mmh. Et alors, ça, c'est pas sans lien avec les secours que Saint-Vincent de Paul va commencer à prodiguer dans les années 70. Jusque dans les années 60, fin des années 60, le secours exclusivement prenait la forme des bons de pain, des ouais. bons d'épicerie, des bons de viande. À partir de la décennie fin des années 70, ça va se préciser. Eh bien, Saint-Vincent de Paul commencera à soulager ses protégés, comme il les appelait, de leur dette de loyer. Commencera à aussi auprès de l'EDF de s'acquitter de leur facture d'électricité, d'énergie. Donc ça aussi ces années-là, fin des années 70, début 80, ça marque aussi une différence sensible hein, par rapport aux années précédentes. C'est-à-dire une diversification de l'aide et en même temps on constatera ça devient moins prioritaire, peut-être on y reviendra un petit peu plus tard, l'aide alimentaire devient moins prioritaire, en tout cas dans les budgétisations de l'État, etc., que l'aide au logement. Quoi. Oui, mais enfin, ça c'est... Nicolas Duvaux. C'est vraiment... Oui, alors oui... Attendez, Nicolas... Juste, oui. Juste un élément de cadrage, parce que ça, c'est des données que l'INSEE a reconstituées avec des séries longues, c'est que l'alimentation et le vêtement étaient les premiers postes des consommations des ménages dans les années 50 et jusque dans les années 70. Mmh. Aujourd'hui, le logement a pris une place tout à fait considérable dans les budgets. Il a remplacé en quelque sorte ce qu'était l'alimentation et le vêtement. Et donc, on a là effectivement une transformation. Pour le dire simplement, il y a le fait que l'alimentation est devenue un poste de consommation beaucoup moins substantiel dans les ménages. Mmh. En même temps qu'on voit que pour tous les ménages, l'alimentation, la capacité de se nourrir, étant donné le coût du logement, est loin d'être une évidence. Donc, c'est là la situation est très, très compliqué de ce point de vue-là. J'en ai le retire sur ce point. Par rapport à votre document d'archive, la 84, ce qu'il convient aussi de préciser, c'est que 84-85, automne 84, donc, c'est le premier plan pauvreté-précarité. Ce plan va avoir conséquences très importantes pour la naissance des Restos du Cœur et aussi de localement, c'est l'ancêtre de la Banque Alimentaire. En 86, il y a une association qui s'appellera les Associations d'aide aux démunis de Loire-Atlantique. L'ADLA, qui reprend, à Nantes, oui. Voilà. Qui sera, qui est l'ancêtre de la banque alimentaire. Eh bien, ces deux créations, évidemment, importante qui marque le champ jusqu'à aujourd'hui, hein, eh bien, n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu ce plan pauvreté-précarité, s'il n'y avait pas eu en 86-87 le programme européen d'aide aux plus démunis. Oui, c'est là la grande rupture de ce milieu des années 80, c'est l'implication des pouvoirs publics. Et européens en particulier. Et européens en particulier dans le soutien, alors là, massif, des associations. Et peut-être aussi la popularisation, Nicolas Duvou, d'un terme qu'on n'a pas encore cité, et qu'on aurait pu citer, c'est le terme de quart-monde. C'est-à-dire cette idée qu'il y a un tiers-monde dont on parle beaucoup dans les années 60 et dans les années 70, ce tiers-monde qu'il faut sauver, qu'il faut aider, mais il y a au cœur même des sociétés européennes un quart-monde qui est donc à la fois porté par le père Joseph Brzezinski, par Geneviève de Gaulle et par tout un tas de personnalités qui mettent en avant cette idée que dans le cœur des sociétés européennes, il y a aussi des problèmes de logement, de faim, d'habillement, etc., etc. Nicolas Duvou. Oui, ce discours qui est affirmé, qui est porté par Aide à toute détresse, ATD Quart-Monde, hein, qui va essayer de représenter cette partie de la population qui est exclue du progrès des Trente Glorieuses. C'est-à-dire c'est celle qui reste en marge, celle qui va se maintenir dans des stratégies de survie, ce qu'on pourrait appeler, sans renvoyer aux connotations qu'a prises le terme, une culture de la pauvreté, c'est-à-dire quelque chose qui est comme un état qui est relativement hermétique au changement, au progrès dans lequel la société voudrait l'emmener. Donc le père Brzezinski, ce mouvement ATD va chercher à réaffirmer, à affirmer, faire un rappel de cette réalité sociale et va porter, et quand on est dans les années 80, on est au point de bascule, c'est-à-dire le quart-monde, c'est vraiment la représentation des exclus du progrès, des laissés pour compte de la croissance. Et des exclus de l'éducation, des exclus de la santé, des exclus on va découvrir dans les années 80 que en fait ça touche des populations beaucoup plus larges du fait du chômage, et là va y avoir l'entrée en scène effectivement des pouvoirs publics qui vont se réapproprier notamment à partir du rapport de Joseph Brzezinski un certain nombre d'ambitions qui ont été portées auparavant par les associations. Et vous parliez de médiatisation, et bien en 1985 c'est Coluche. S'il est un personnage controversé qui ne cesse de défrayer la chronique, c'est bien Coluche. Mais pour une fois, notre clown national va sans aucun doute faire l'unanimité. Appuyé par deux ministères, celui de la solidarité nationale et celui de l'agriculture, Coluche lance les restaurants du cœur. Il veut ainsi nourrir cet hiver quelques 500 000 personnes, ce que l'on appelle les nouveaux pauvres, durant la période la plus difficile, allant du 21 décembre au 21 mars. Coluche a encore besoin de sous et de sponsors, mais aussi de soutien, comme celui que va lui apporter par exemple l'école supérieure de commerce. Pierre Barretti l'a rencontré hier après-midi à la sortie de son émission. Je ne vois pas qui va refuser de nous aider dans cette entreprise-là, parce que effectivement, c'est d'intérêt national, et puis bon, ben, y a un problème, quoi. Il y a 500 000 personnes reconnues qui ne bouffent pas en France, et ça, c'est pas normal dans un pays comme le nôtre. On est connu pour la bouffe, c'est pas normal qu'il y ait des gens qui ne mangent pas ici. Ça va pas, il faut... Donc, je crois pas que ce soit un problème de personnalité ni de politique. Je crois que tout le monde va aider. Le premier qui nous a aidés, c'est Chaban-Delmas. Aujourd'hui, on a les ministères qui, pour la première fois, depuis que je m'intéresse à la politique, m'aperçoit que c'est la première fois que des hommes politiques ne sont pas un frein à une entreprise privée d'intérêt général, mais au contraire, aident. Ça, c'est très important. Ils aident vraiment. Bon, ils se décarcassent. J'ai eu des rendez-vous encore aujourd'hui avec les gens de ces ministères concernés. Est-ce qu'il y aurait besoin de quelqu'un d'urgent, là, tout de suite, à qui on pourrait lancer un message? Oui, on a besoin du ministre des Transports, que j'ai pas encore vu, avec qui je voudrais bien avoir un rendez-vous rapide. Bon, c'est pas par la voix de la radio que je devrais le faire, mais je sais que mes camarades de l'école supérieure de commerce s'occupent d'avoir un rendez-vous avec lui. Bon, mais il est occupé, hein, cet homme-là, il a pas que ça à faire non plus que s'occuper de nous. Moi, je file un rancard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire. À tous les recalés de l'âge et du chômage, les privés du gâteau, les exclus du partage. Si nous pensons à vous, c'est en fait égoïste. Demain, nos noms peut-être grossiront la liste. nous avons une auditrice qui nous envoie un petit tweet en nous précisant qu'elle était militante, jeune militante en 1983 datée d'Écart Monde, et qu'il y avait beaucoup d'incrédulité dans la population lorsqu'elle distribuait sur les marchés des tracts datés d'Écart Monde, et qu'elle avait beaucoup de mal à cette époque-là à sensibiliser justement la population à cette nouvelle réalité qui était cette réalité de ce qu'on a appelé ensuite les nouveaux pauvres, au moment en particulier de l'initiative de Coluche et de la création des Restos du Cœur, qui sont d'ailleurs en couverture, une photo des Restos du Cœur de Nantes en couverture de votre livre, Jean-Noël Retière, sur la solidarité en milieu de Sévrignat. Non, je voulais peut-être qu'on revienne avec vous, Jean-Noël Retière ou Nicolas Dubout, sur justement la politique européenne, parce que là il va y avoir un gros basculement justement au début des années 70, notamment au moment où il va y avoir une réglementation qui va autoriser les institutions, les collectivités à récupérer tous ces produits qui sont stockés et pour éviter une surproduction qui ferait baisser les prix, hein, évidemment, de ces produits, et qui vont être redistribués ensuite, alors à l'Espagne, à l'Angleterre, à la France, enfin à qui les demande, et ces États ensuite s'occupent de faire une redistribution à l'intérieur de, voilà, à travers les associations. Jean-Noël Retière, justement, cette politique c'est européenne 72, qui, est très, hein, cette qui est très importante et qui va avoir des conséquences dans les années 80. Ça commence en 72 avec les fruits et légumes. Et puis, il y aura ensuite, dans les années 80, en ce qui concerne la viande, c'est-à-dire que la surproduction, enfin parler de surproduction, c'est disons pour soulager les prix agricoles, pour maintenir les prix agricoles, eh bien l'Europe va acheter, procéder à des achats, on appellera ça aussi des retraits d'État, qui seront donc des produits, des denrées qui seront acheminées vers les associations caritatives. En 80, pour le lait, ce sera plus tardif. Mais il y a plusieurs, plusieurs moments en ce qui concerne les aides européennes. Jusqu'en 2013. Eh bien, si on prend la filière laitière, les producteurs qui fournissaient du lait aux associations, au-delà de leur quota, bénéficiaient d'une exonération de la taxe fiscale. En fait, ils étaient dispensés des pénalités qui étaient liées au dépassement. Et puis, après 2013, toujours en ce qui concerne cette filière laitière, eh bien, un nouveau système sera mis en place. Les éleveurs pourront bénéficier d'une réduction d'impôts. C'est le bénéfice de la loi Coluche. Alors, je vous passe les détails sur le montage, mais on voit bien là que de plus en plus, par le biais de la défiscalisation, eh bien, l'Europe va soutenir l'aide alimentaire. Alors, ça, c'est très intéressant, Nicolas Dubout, parce que vous insistez là-dessus dans votre numéro de Genèse consacré à la philanthropie et le prestige de l'État en France. C'est qu'en fait, il y a un modèle américain, pourrait-on dire, de l'aide alimentaire en particulier, mais enfin de l'aide philanthropique, pourrait-on dire, qui passe par la défiscalisation, qui d'une certaine façon cache ainsi la manière dont arrive cette aide auprès des plus démunis dans la société américaine, et que ce modèle n'est évidemment pas le modèle français, mais que par l'intermédiaire de l'Europe, on y conduit, on y va. Oui, alors il y a des fois des rapprochements et des différences. Ce qui est frappant, les Américains ont une aversion à l'intervention de l'État fédéral en matière sociale. Mais comme il y a des besoins sociaux, on utilise les déductions fiscales pour laisser les acteurs de la société civile agir et remplir ces besoins sociaux sans que l'État ait besoin de trop se mouiller dans ses affaires. En France, ce qui est très important, il y a une sorte d'État caché sous l'aide sociale. C'est un État social caché dans des déductions fiscales qui ont l'air assez neutres. En France, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut raisonner en termes d'acteurs privés cachés. C'est-à-dire que les acteurs privés sont très importants, ils constituent le maillage de l'aide et de la solidarité, et de l'aide alimentaire en particulier, mais ils le font sous l'orbite de l'État, dans un cadre où ils sont en quelque sorte délégataires de missions de service public, et ils sont également soutenus par des dispositions fiscales, parce que vous avez, quand vous avez des appels aux dons, vous avez présenté une déduction fiscale de 66% sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques, jusqu'à ce qui est, enfin jusqu'à la suppression de l'USF, de l'ISF, vous aviez une déduction de 75% qui a aidé à structurer tout un secteur philanthropique. Les petits frères des pauvres, le Secours catholique ont créé des fondations pour capter cet impôt de solidarité sur la fortune qui avait été créé d'ailleurs, enfin relabellisé en 88 pour financer le revenu minimum d'insertion. Mmh. Donc vous avez ce maillage et cette hybridation en fait des pouvoirs publics et du monde associatif est une des caractéristiques du paysage actuel. Oui, Jean-Noël Rottier. Dans mon commentaire précédent, là, j'ai pas fait toute la genèse, enfin, des années 80-90, mais je voulais insister sur sur l'année 2013. Mmh. C'est important parce que cette année-là voit la création d'une structure Solal, donc l'acronyme veut dire Solidarité des producteurs agricoles et des filières alimentaires. Ça a été créé par l'ancien président de la FNSEA, qui est aujourd'hui décédé, là, Le Métayer. Mmh. Cette structure, eh bien, sont représentés les chambres d'agriculture, le Crédit Agricole, des coopératives agricoles, la FNSEA, des représentants des filières agricoles et des secteurs industriels de l'agroalimentaire et de la grande distribution. Cette structure-là est depuis 4 ans et va devenir, bon, un rouage essentiel du soutien de l'État, parce que au-delà de son rôle d'intermédiaire entre les agriculteurs via leurs organisations professionnelles et les associations caritatives, l'objectif de cette structure, c'est de favoriser la défiscalisation des produits qui sont donc délivrés aux associations. Mmh. Alors, la défiscalisation des produits agricoles, mais aussi des produits de l'industrie agroalimentaire et de la grande distribution. Mmh. Et donc ça, on est là avec l'existence de cette structure, eh bien, le processus va encore s'accuser fortement, quoi. Oui. Hein. Vous voulez dire qu'on change véritablement d'époque, ce qui est tout à fait évident quand on vous suit l'un et l'autre, Jean-Noël Rottier et vous, Nicolas Duvoux, c'est qu'effectivement, il y a toujours des dimensions qui sont pas simplement fiscales, pas simplement politiques, mais des dimensions morales à cette aide. Qui est-on? Comment est-on? Qu'est-ce qu'on donne à ces populations que l'on vient aider au point de vue physique et au point de vue en particulier alimentaire? Nicolas Duvoux, c'est important. Toute relation d'assistance sociale, toute relation d'aide sociale est un rapport social qui comporte une dimension morale. Et dans l'aide alimentaire, Jean-Noël Rottier prend l'exemple de Saint-Vincent de Paul qui concevait un repas pour la famille, pour bien montrer que à travers l'aide alimentaire, il n'y avait pas l'aide à un individu, il y avait bien la recherche du soutien à un cadre social qui est le cadre de la famille, et de manière beaucoup plus générale, il montre comment en fait les relations de dons sont toujours des relations qui sont filtrées par des représentations du rapport d'inégalité, d'asymétrie entre le donateur et le donataire, et il y a tout un ensemble de relations, de catégorisations qui se jouent dans cette relation. On retrouve ça d'ailleurs dans l'humanitaire international. On en parlait hier dans le documentaire sur le Biafra, c'est tout à fait ça. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a quand même, il reste une diversification dans les vocations que se donnent, par exemple, ces associations, il y en a qui vont pas se contenter justement de donner que de l'aide alimentaire, mais qui vont vouloir faire de la réaffiliation, d'autres qui, au contraire, vont juste donner un colis repas, d'autres qui s'occuperont plutôt de donner des, par exemple, de distribuer des sandwichs en soirée, je pense, à certains bus de nuit ou l'armée du salut. Ça reste une réalité. Il n'y a pas une homogénéisation. Absolument. On a affaire à une diversification, à un émiettement, on pourrait dire, des problématiques, des entrées dans les questions de pauvreté, et qui se fait sous l'égide d'un État qui délègue, de pouvoirs publics qui délèguent une partie de leur mission et aux associations. Et ça, c'est vraiment une caractéristique tout à fait essentielle du paysage contemporain, je crois. Un dernier mot en à peine une minute, si vous voulez bien, Jean-Noël Rottier, pour terminer. Ça marque aussi une évolution, c'est-à-dire que l'accompagnement, l'insertion, c'est une condition aussi pour obtenir les subsides de l'État et de l'Europe. Et donc ça veut dire qu'effectivement, il y a un cadre. Ce cadre est donné par l'Europe et par les États, et qu'ensuite les acteurs sont obligés de se couler dans ce cadre pour pouvoir penser leur action. Tout à fait, avec aussi des conséquences sur le bénévolat, le profil des bénévoles. Oui, parce qu'on assiste aussi, vous insistez là-dessus, à une sorte de professionnalisation du bénévolat en parallèle donc à l'évolution donc de toutes ces associations dont on a parlé avec vous. Une exigence de compétences et tout, ce qui n'est pas sans soulever des problèmes, je dirais, politiques, quoi, parce que est-ce que aujourd'hui on ne prive pas certaines fractions des classes populaires qui avaient investi ces associations-là dans les années 60, 70, 80 même, est-ce qu'on ne prive pas ces fractions-là des possibilités de d'engranger du capital civique, en quelque sorte. Merci beaucoup à vous, Jean-Noël Rottier. Je rappelle que vous êtes co-auteur avec Jean-Pierre Lecrom d'une solidarité en miettes, socio-histoire de l'aide alimentaire des années 30 à nos jours, aux presses universitaires de Rennes. Et pour votre part, on peut conseiller Nicolas Duvoux de lire le numéro de Jeunesse que vous avez coordonné, donc cette revue parue en décembre dernier, donc qui s'intitule Philanthropie et prestige d'État en France, et publié chez Belin. Merci à tous les deux. Et pour nous, on continuera demain cette série sur l'histoire de la faim. Avec la grande famine en Irlande au 19e siècle. Exactement, et l'importance que cela a pu avoir au point de vue politique et même international. Au niveau de la société irlandaise, évidemment. Bien évidemment. Merci à vous, Séverine Attard, et à demain. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marcet. Clément Daté était avec nous à la technique et Séverine Cassard à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission ainsi que toutes les autres, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter, c'est Fabrique FC.